rocking on your radio. Skyrock t'offre maintenant un mix spécial du 31 avec le DJ numéro 1 hip-hop. Le son de Skyrock toute la nuit et en non-stop. Non-stop. Pour fêter l'arrivée de 2015, c'est le Cut Killer Show spécial réveillon du 31 sur Skyrock. Et ça démarre maintenant. Michelle, fight for that white gold. This hit that ice cold. Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, good girls, masterpieces. Stylin', violin, living it up in the city. Got chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss herself, pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon. Hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Ride to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop. Skip it. I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Drink, say my name. Hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Cut Killer Show. Uptown, funky up. Uptown, ce son est une dédicace à Madame Babochko. Vous vous souvenez? Monsieur Diallo. Ah, Madame Babochko, non, je suis pas en prison à l'hosto. Non, je fais des hits, Madame Babochko. Et vos gosses me kiffent, Madame Babochko. Oui, Madame Babochko. J'ai toujours autant d'inspi, Madame Babochko. C'est pour mes gars, so oui, Madame Babochko. Si vous voulez, on se tweet, Madame Babochko. Yeah. Hello. You. Ce son est une dédicace à Madame Babochko. Vous vous souvenez? Monsieur Diallo. Aïe, Madame Babochko. J'suis pas en prison à l'hosto. Mais j'fais des hits, Madame Babochko. Et l'os m'os vive, kiff, Madame Babochko. Oui, Madame Babochko. J'ai tout un gros pipi, Madame Babochko. C'est gaz, c'est gaz, oui, Madame Babochko. Si vous voulez, tweet, Madame Babochko. Et ça fait solo, t'es sous l'eau. J'me suis dit, c'est le moment, mais le fire. Le petit Renoir qui grattait des couplets de barge. Vous vous souvenez de Wham? Le petit Renoir qui grattait des couplets de barge. Gay, dites-moi où est le mic. On dirait comme un pouka, wesh, d'où M9. Ma vie, les cours, oui, je m'en bats. Les c***, oui, je sais, c'est dommage. Du coup, vos surveillants sont contre moi. Moi, ah. Aïe, Madame Babochko, non, j'suis pas en prison à l'hosto. Non, j'fais des hits, Madame Babochko. Et vos gosses me kiffent, Madame Babochko. Oui, Madame Babochko. J'ai toujours autant d'inspi, Madame Babochko. C'est pour mes gars, so weed, Madame Babochko. Si vous voulez,

Killer Show. La gova et les bravas, t'es de passage, c'est le bazar. T'as provoqué les passants même en bas âge. On te connaît, t'aimes rigoler. Mais personne n'aime te croiser quand t'as trop picolé. Tu vois une équipe, tu veux embrouiller l'un d'eux. Arrêtez mon gars, si on en se verra main d'eux. Est-ce que je dois profiter de ma life? Bien avant que ma vie s'écoule. Dormir, sortir, que faire de ma naïf? Soit je m'isole, soit je deviens fou. Tu veux tout, tout de suite. Dans tes outils, c'est une course poursuite. Moi je m'épuise. Je veux pas la baraka Drake. Je veux monter un homblet de bien barricadé. Ah. Demande à Barakadé. Le dream c'est la famille, tout le reste est gâté. Petit, je voulais tout tout de suite. Je voyais les choses en grand, fallait pas que je touche que le smic. Petit, ferme ta bouche. Ah. Parler d'argent ici en France c'est tabou. Ah. On n'est pas dans le pays d'Obama. Si t'as réussi ta vie, on te regarde mal. N'essaie pas de débattre si les gens parlent mal. Bienvenue à Ries, si t'es bien fanable. Est-ce que je dois profiter de ma life? Bien avant que ma vie s'écoule. Dormir, sortir, que faire de ma naïf? Soit je m'isole, soit je deviens fou. Faire. Dis-moi que faire. Finir à BKO en Maybach, il faut le faire. Il faut le faire. T'es sorti, t'as pas le temps. Deux, trois poteaux qui t'attendent. Un beau mytho pour madame, ça passe. Elle va m'y dans, ça t'arrange. Yes. Bouteille à tête à tes refaits. En place avec tous tes refrains. Paris métisse. Que faire? Les yeux fatiguent, je te sers. Vous connaissez les refrains, foncez jusqu'à demain. Tu crois déchirer, être au-dessus des hommes, mais t'es déchiré, tu dors sur le sol. Est-ce que je dois profiter de ma life? Bien avant que ma vie s'écoule. Dormir, sortir, que faire de ma naïve? Soit je m'isole, soit je deviens fou. Tu veux tout tout de suite, dans tes sous-tits. C'est une course poursuite, moi je m'épuise. Qui a sous-estimé loi? Celle de l'bord qui t'a surestimé toi. Boy, Sway named Troy, used to live in Detroit. Big dope, stealing money, he was getting some coins. Was in shootouts with the law, but he lived in a palace. Bought me Alexander McQueen, he was keeping me stylish. Now that's real, real, real. Gun in my purse, bitch, I came just to kill. Sexy lady, ton homme on va taser. Franchis ce cul, mes négros veulent damer. Tout est physique, ton cul, oui, 32B. Faut que ça se finisse en soirée, Mayabé. Quoi que disent les gens sur toi, plus rien à foutre, les cons, les jugés. Demain, tu reprendras ton tas. Mais soir, c'était là pour t'engueuler. Le billet facile, ce soir, j'ai le billet facile. Le billet facile, ce soir, et le billet facile. Facile, ce soir j'ai le billet facile. Oh, le billet facile, ce soir est le billet facile. Oh, le billet facile, ma chérie, l'argent te fascine. D'où viennent tes racines? Ton choix de vêtements m'assassine. Les passants saccadés, on rentre dans la ronde, c'est un malin. D'Abidjan à toi là, partout dans le monde c'est un malin. Congolais, expert en sapologie. Quand je me savais voir comment la foule réagit. Avec le sexe opposé on interagit. Agile, sont les miens si agadis. Docile, ça jamais demande à bad night. Si je rince, c'est que je veux passer une bad night. Comme Michael, touche le ciel sans mes airfly. Quand je vois Spike, tous mes amoureux de l'asphalte. Quoi que disent les gens sur toi, plus rien à foutre, les sons, les jugés. là pour t'ambiancer. Le billet facile là, ce soir j'ai le billet facile. Oh. Le billet facile là, ce soir est le billet facile. Oh. Le billet facile là, ce soir j'ai le billet facile. Oh. Le billet facile là, ce soir est le billet facile. Oh. Le billet facile, l'argent façon façon facile. Oh. Moi tu me fascines, les gars là sont tapés façon bavon. Tu sais, les gars, les purs sont, j'pas une petite frappe. Je n'ai beau, j'suis le cauchemar des Sistra. Je sais très bien que juste pour la mala, j'pourrais poser 10 bouteilles, même si j'tisse pas. Bien, bien, les montrer les petites sapes. Dommage que la fin du mois soit écraque. Je ne sais guère ce que veulent ces petites tasses. Quitte là pour les schnexers, j'ai du whiskas. Mon gava, y'a pas si longtemps que ça. Tu ne regardais pas, mais ton café me sait dans son puchine, c'est Kael. Ma dégaine, le charisme et le style. Ce soir, j'compte bien faire du boucan sur tout Paname. Quoi que disent les gens, je sais qu'il les oublier, jurer. Demain tu reprendras ton tas. Mais soit c'était là pour t'ambiancer. Le billet facile là, ce soir j'ai le billet facile. Oh. Le billet facile là, ce soir est le billet facile. Oh. Le billet facile là, ce soir j'ai le billet facile. Oh. Le billet facile là, ce soir est le billet facile. Oh. Le billet facile là, le bengal le billet facile. Oh. Le billet facile là. Je suis blessé, faut me parler. Je veux m'en aller. Je vois le mal partout. On me dit d'où faut y aller. Bon Dieu, aidez-moi. Je veux des choses qu'il faut pas. Les gens te manquent pas. Tu fais plus d'un faux pas. Vois quand tu me vois, tu ris. Tu fais comme si t'es mon frère. J'aime pas les gens comme toi. Mais pourtant, comment faire? Occupe-toi de ta life. Sache que moi, je suis pas les autres. Le sommeil, j'en ai mal à la tête. On récolte ce que l'on sème. C'est la même, je vois les jours qui se répètent. Tu trouves pas le sommeil, j'en ai mal à la tête. On récolte ce que l'on sème. C'est la même, je vois les jours qui se répètent. Tu fais le gros mais quand ils sont face, non tu parles pas, t'es cool. T'es comme cette fille qui se laisse aller. T'es cool, t'es comme mec, mec qui se cache, qui t'entend les comme. Fils de, fils de, fils de, les tristes. Ils observent tous tes gestes, faudrait leur faire un film de. Personne n'oublie personne, mais pas de retard. Ça pourrait venir te fumer quand tu te mets sous vodka. Combien disent moi je suis là. Quand y'a un bruit, ça choque pas. Combien change de camp comme des slips. La vérité, ça me choque pas. Je trouve pas le sommeil. J'en ai mal à la tête. On récolte que l'on sème. C'est la même, je vois les jours qui se répètent. Je trouve pas le sommeil. J'en ai mal à la tête. On récolte que l'on sème. C'est la même, je vois les jours qui se répètent. J'en ai mal à la tête. On récolte que l'on sème. C'est la même, je vois les jours qui se répètent. Je trouve pas le sommeil. J'en ai mal à la tête. On récolte que l'on sème. C'est la même, je vois les jours qui se répètent.

de love, de love, de love, de love. T'as le permis de poker, j'ai le permis de tuer. Passe le réveillon avec un spécial mix de Cut Killer sur Skyrock Radio. Cause you're doing something right. Cut Killer au platine.

et sans Chanel Boy, sans petite, sans Chanel Boy, sans bébé, sans Chanel Boy, sans précieux, sans Chanel Boy, sans bébé, sans Chanel Boy, sans précieux, t'as fini dans son sac. Pour moi t'étais un chapitre, et pour toi moi j'étais un livre. Je t'ai vu dans les bras de ce mec au RSA, tu priais pour que je te délivre. On me soupçonne d'être un cis gros. Je ne regarde pas les prix mais les logos, trop chaud. Je vois que tu fais la belle, que tu calcules pas, mais à la fin tu veux mon bigot. Elle me dit je t'aime, je lui réponds je t'aime bien. Si l'amour est aveugle, on va tout droit dans un ravin. À la tombée de la nuit, je tiens plus en place. À la tombée de tes seins, je vois que le temps passe. Tu voulais okay. Des lovés à profusion. Tu voulais les femmes d'Afrique et d'Occident. Mais la la la la la, c'est la confusion. La la la la la, t'as fini dans son sac. Sans Chanel Boy, sans petit, et sans Chanel Boy, sans bébé, et sans Chanel Boy, sans petit, sans Chanel Boy, sans bébé, sans Chanel Boy, sans précieux, sans Chanel Boy, sans bébé, sans Chanel Boy, sans précieux, t'as fini dans son sac. C'est pas parce que je porte une montre que j'ai le temps. J'ai liké ta photo, t'as fait une capture d'écran. Faut que tu redescendes en vitesse, en maillot de pièces. J'ai l'impression de voir un éléphant. Fais ce que ça dit au plan d'Ao. Paraît que la gâti d'Alonso c'est une vraie Bagdad. Waouh. Et toi t'es piqué par une fake. Tu l'as jamais vu, tu lui fais des chèques. Tu vois que je réponds pas, pourquoi tu insistes. Forceuse qui traîne dans les loges des artistes. T'as une dent contre moi, oh que c'est triste. Tiens prends le numéro de mon dentiste. À profusion, tu voulais les femmes d'Afrique et d'Occident. Mais la la la la la, c'est la confusion. La la la la la, t'as fini dans son sac. Sans Chanel Boy, sans petit, et sans Chanel Boy, sans bébé, et sans Chanel Boy, sans petit, sans Chanel Boy, sans bébé. Sans Chanel Boy, sans précieux, sans Chanel Boy, sans bébé. Sans Chanel Boy, sans bébé. Sans Chanel Boy, sans précieux. Sans Chanel Boy, sans bébé. A-L-O-N-Z, on me dit Warano. On est sur Jupiter, mamé. Trop loin. Mike Miller, Miller. Sans Chanel Boy, sans précieux. Check, microphone check, check. Killed your boy career, still no arrest, yeah. Snow White yacht in my red East. Ed Sheeran got the city streets tweaking. On the back block, you may catch the boss. M-Sig love the vape, so we lifting off. With a weapon, go to stepping like I'm Kevin Spacey. No prom date, women, they would love to hate me. It's such a pretty thing, life is such a bitch. Went to sleep as friends, waking up to this. See it my way and see me at the top. Build an empire, bitch, off a nickel rock. Microphone check, microphone check. We came to party, smoking till there's nothing left. Met this girl late last year. She said, don't you worry if I disappear. I told her I'm not really looking for another mistake. I called an old friend thinking that the trouble would wait. But then I jumped right in a week later, returned. I reckon she was only looking for a lover to burn. But I gave her my time for two or three nights. Then I put it on pause until the moment was right. I went away 4 months until our paths crossed again. She told me I was never looking for a friend. Maybe you could swing by my room around 10. Baby, bring the lemon and a bottle of gin. We'll be in between the sheets till the late a.m. Baby, if you wanted me, then you should've just said. She's singing, don't fuck with my love. That heart is so cold, all over my home. I don't wanna know that, baby. Don't fuck with my love. I told her she knows. Take aim and weeks, I only wanna see her. We drink away the days with a takeaway pizza. Before a text message was the only way to reach her. Now she's staying at my place and loves the way I treat her. Singing out Aretha all over the track like a feature. And never wants to sleep, I guess that I don't want to either. But me and her, we make money the same way.

Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of. Pop that trunk, let's take a shot, alley-oop that don't ride. Tired of working at 9 to 5, well baby let me come and change your life. Hot damn it, woo, your booty like 2 planets, woo, go ahead and go ham sandwich, woo, whoa, I can't stand it, cause you know what to do with that big fat butt. Oh yeah, wiggle, wiggle, like. C'est le mix du nouvel an sur Skyrock. Cut Killer. Cut Killer Show. Skyrock. Skyrock. Avec Cut Killer au platine. Big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Killer Show. Cut Killer. Killer Show. Sur Skyrock. 1, 2, 3. Cut Killer Show. Sur Skyrock. Sunny Digital. Got the club going up on a Tuesday. Got your girl in the color she choose. Club going up. Got your girl in the cut and she choose. Hey, club going up on a Tuesday. Got your girl in the cut and she choose. Hey, club going up on a Tuesday. Got your girl in the cut and she choose. Hey, working Monday night on the corner flipping hard. Made at least 3,000 on the boulevard. Been working graveyard shifts every other weekend, ain't got no fucking time to party on the weekend. I've been flipping in the house, making jugs on the highway. I've been riding out of state, making money like my way. I don't think that I should dance, I'm just gonna have another drink. I'm doing my stance, you know my Molly pink. I got the loudest of the loud, you know my gas stink. My P.O. think I'm in the house, don't give a damn about what she think. Got the club going up on a Tuesday. Got your girl in the cut, she Tuesday. Club going up on a Tuesday. Got your girl in the cut, she Tuesday. Club going up. Le DJ numéro 1 hip hop, number 1 pour un spécial mix du nouvel an sur Skyrock. Yeah, man. And rocks. I know I've been puffing a lot, puffing but a you lot. Do wanna know, baby girl, you are sucking it night. And Chewy on some hot nigga, like I told Tish, I see when I shot nigga. Like you seen him twirl, then he drop nigga. And we keep the mind millies on my block nigga. Yellow beats, holla at me. And Chewy on some hot nigga, like I told Tish, I see when I shot niggas. Like you seen him twirl, then he drop, nigga. And we keep the mind millies on my block, nigga. And Monte keep it on him, he done drop, niggas. And we be wildin', he some hot, nigga. Tones known to get busy with them clocks, nigga. Try to run down and you could catch a shot, nigga. Running through these checks till I pass out. And shorty give me neck till I pass out. I swear to God, all I do is cash out. And if you ain't a hoe, get up on my trap house. I've been selling cracks since like the fifth grade. Really never made no difference with the shit made. Jaja told me flip them packs and how to maintain. Get that money back and spend it on the same thing. Shorty like the way that I ball out. I be getting money till I fall out. You talking cash, dog, I goes all out. Shorty love the way that I flow out. Free greasy them, let all of my dogs out. Mama send no pussy cats inside my dog house. That's what got my daddy locked up in the dog pound. Free fan on them, let all of my dogs out. We gon' pull up in that like we cops on them. With them 16s, we gon' put some shots on them. I send a little doubt, I send a drop on them. She gon' call me up and I'ma sip the highs on them. Grammy Savage, that's what we are. Grammy shooters dressed in G-Star. GS9, I go so hard. But GS for my gun squad. And bitch, if it's a problem, we gon' gun ball. Shots popping up the AR. I'm with Trigger, I'm with Rasha, I'm with A-Raw. Broad daylight and we gon' let them things blow. Tell them niggas free me, she on me Subway. Free Breezy, oh. And tell my niggas murder team, oh. Bitch, call that body. About a week ago, Fuck with us and then we tweaking, oh. Run up on that nigga, get to squeezing, ho. Everybody catch a bullet holes. Niggas got me on my bully, yo. I'ma run out with that gun on him. I'ma run up, go dumb on him. Niggas got me on that young shit. Got me on that go dumb shit. C'est Cut Killer qui prend le contrôle de ton réveillon sur Skyrock. I can't believe

Show me your soul, I gotta know. Bet that you're beautiful inside. Toes on the grass, car moving fast. Come take the wheel and drive. Numéro 1 hip-hop, number 1 pour un spécial mix du nouvel an sur Skyrock. Yeah, man. Baby, it's the remix. Yeah. Me rolling in my own lane. Shoulda listened to the hype though. Hold that and show me something. DJ ain't playing nothing but mustard. Catch up to the bandwagon. Fuck us Friday. I'm feeling like the old Chris Tucker. And we go for the record. Tryna go platinum and add a couple carrots. Being low key, kinda hard with the cameras. A boyfriend here, but she looking so careless. Baby, you remind me. Le réveillon avec un spécial mix de Cut Killer sur Skyrock Radio. C'est le DJ numéro 1 hip hop. Cut Killer. Cut Killer. Riding comfortable. Cause I know what that girl them need. New York to Haiti. I got lipstick stamps on my passport. You make it hard to leave. Been around the world, don't speak the language. But your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. Jazzy on them. You know the words to my songs. No habla English. Our conversations ain't long. But you know what.

toes ain't right. But you was blowing up her phone last night, but she ain't have a ring or not her ring on last night. Ooh, nigga, that's that nerve. Why give a bitch your heart when she rather have a purse? Why give a bitch an inch when she rather have nine? You know how the game goes, she be mine by halftime. I'm the shit, ooh, nigga, that's that nerve. You all about her and she all about hers. Birdman Jr. and this bitch, no flamingos. And I done did every day but trust these hoes. When a rich nigga won't you, and your nigga can't do nothing for you. Oh, these hoes ain't loyal. Whoa, these hoes ain't loyal. Yeah, yeah. See, just got rich, took a broke nigga bitch. I can make a broke bitch rich, but I don't fuck a broke bitch. We get drunk. She wanna see a nigga trap. She wanna fuck all the rappers. When a rich nigga won't you, won't you, baby? And your nigga can't do nothing for you, nothing, no. Oh, these hoes ain't loyal, no they ain't. Whoa, these hoes ain't loyal, yeah, yeah. Black girl with a big booty, if she a bad bitch, let's get. That's where they be yelling, I'm a pimp by blood, not relation. I don't chase some, I replace some. Huh? LVs, Hermes, Dolce. My hoes ain't loyal, man, they rotate. School me to the game, now I know my duty. Put her in the loader, she was riding in that hoodie. Fuck that bitch, got my own hoe. Fuck your weed, got my own smoke. Had to put my knick-knack on, tell that bitch put a ring back on. Something. When I call her, she gon' leave. And I bet that bottom dollar she gon' cheat. Come on, come on, girl, why you front? Baby, show me something. You done spent your bread on her, and it's time for nothing. Cut Killer, Killer Show, Skyrock, Skyrock. Bad bitches on it, ain't no mediocre. No, don't want no mediocre, I won't eat no mediocre. You a bad bitch, stuntin' on a mediocre. On a mediocre, you stuntin' on a mediocre. Seven, big bitch, you with me, and none on mediocre. From they head to they toe, they so far from mediocre. Yeah. Right hand in the air, a solid swell. I never fuck a bitch if she don't do her hair. No more, and you don't get no dick if it's a push down there. Girl, I should see nothing but pussy when I look down there. They come fuck with a nigga, what better to do? He callin' at you, how you doin'? Tell him better than you. Yeah, I'm kicked back with four pieces. Like a Kit Kat. Me fucking if you ain't a dime, you forget that. Pretty face, fat ass, and she don't have. And wanna leave, well, I think I pass. I just handed her the key to a new dry jam. When she took it, I took it back. You should've asked for a beer. That mediocre, bad bitches. I don't want no mediocre. I don't want no mediocre. I don't want no mediocre. No, bad bitches on me. Ain't no mediocre. I don't want no mediocre. I won't eat no mediocre. You a bad bitch. Stuntin' on a mediocre. On a mediocre. You stuntin' on a mediocre. Second, big bitch, you been hangin' on a mediocre. Drop a cup.

C'est le mix du nouvel an sur Skyrock. Cut Killer. Cut Killer Show. Skyrock. Avec Cut Killer au platine. Killer Show.

motherfucker, meet me, please, please, remind me. Fall so hard, this shit crazy. I don't know that, don't shit phase. Bless, bless, we go. 0 for 82, look at you like shit, shit, hey. Fall so hard, this shit weird. We ain't even po' be here. Fall so hard, since we here. Don't even write that we be fair. Psycho, Lipo, Mike, go. Take your pick. Jackson, Tyson, Jordan, Game 6. Fall so hard, got a broke clock. Rollies that don't tick tock. All the Mars that's losing time. Hidden behind all these big rocks. Fall so hard. I'm shocked too. I'm supposed to be locked up too. You escape, but I escape. You be in Paris getting fucked up too. Fall so hard. Let's get faded. Lobberies for like 6 days. Gold bottles, soul models. Spilling Ace on my sick J's. So fall so hard, bitch, behave. Just might let you meet gay. Shot towns, B-Rolls. Moving the next, BK. Fall so hard, motherfuckers wanna find me. That shit great. That shit great. That shit great. Fall so hard, motherfuckers wanna find me. That shit great. That shit crack. That shit crack. She said that shit crack. She said that shit crack. That shit crack. That shit crack. That shit crack. That shit crack. That shit crack. That shit crack. That shit crack. That shit crack. That shit crack. That shit crack. That shit crack. That shit crack. That shit crack. That shit crack. That shit crack. That shit crack. That shit crack. That shit crack. That shit crack. That shit crack. That shit crack. That shit crack. That shit crack. That shit crack. That shit crack. That shit crack. That shit crack. That shit crack. Ça, c'est le mix du nouvel an sur Skyrock. Did y'all boys not get the memo? I do not stay at the Intercontinental. And anything I got is not a rental. I own that motherfucker. Figured out this shit is simple. My stock been going up like a crescendo. A bunch of handshakes from the fakes. But nigga, I do not wanna be friends though. I tell y'all motherfuckers, man, this shit is not a love song. This a fucking stripper on a mink rug song. This a fucking boys forever hold a grudge song. Pop some fucking champagne in the tub song. Nigga, just because song. What's the move? Can I tell the truth? If I was doing this for you, then I have nothing left to prove. Nah, this for me though. I'm just trying to stay alive and take care of my people. And they don't have no award for that. Trophies, trophies. And they don't have no award for that. Shit don't come with trophies. Ain't no envelopes to open. I just do it cause I'm supposed to. Bitch, I go to dreams with a suitcase. I got my whole country on a new way. She like, I heard all your niggas stay where you stay. How so big, I haven't seen them boys in 2 days. Bitch, I use a walkie-talkie just to get a beverage. I saw my parents split up right after the wedding. That told my ass to stay committed, fuck the credit. Bitch, check the numbers, I'm the one who really get it. I told y'all mom, told y'all mom, told y'all mom. Cut killer killer show. Skyrock, Skyrock. When I met you in the summer. To my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turned brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer. When I met you in the summer. Summer.

Cut Killer Show. Killer Show sur Skyrock. And if so, you gon' hate me. When you see me standing on the couches, turning clubs into houses, water to champagne fountains, turn flat chests into mountains. And ooh, I love that ass, but I hate that fucking outfit. I'm taking off her blouses while she taking off my trousers. That's just a couple more problems to add to the couple's counseling. Oh, now open that shit wide, let me see how big your mouth is. Cut Killer Show. Show. Avec Cut Killer au platine. C'est le mix du nouvel an sur Skyrock. All my exes are owe me. Wishing they could exit owe me. I'm on the edge and I'm hanging all off. On the ledge and we dangling off. And if I let go, I won't fall off. If we said it, where did they? Don't call off. Bartender, I call the shots. We call for shots, y'all call the cops. Sometimes drinks speak louder than words do. Body language speaks louder than verbal. And we standing on the couches, turning clubs into houses. Water to champagne fountains, turn flat chests into mountains. And ooh, I love that ass, but I hate that fucking outfit. I'm taking off her blouses while she taking off my trousers. That's just a couple more problems to add to the couple's counseling. Oh, now open that shit wide, let me see how big your mouth is. Oh. This goes out to, you know who this goes out to. T'as sorti la gova et les bravas. T'es de passage, c'est le bazar. T'as provoqué les passants même en passage. On te connaît, t'aimes rigoler. Mais personne n'aime te croiser quand t'as trop picolé. Tu vois une équipe, tu veux embrouiller l'un d'eux. Arrêtez mon gars, sur non se verra main d'eux. Est-ce que je dois profiter de ma life bien avant que ma vie s'écoule? Dormir, sortir, que faire de ma naïs? Soit je m'isole, soit je deviens fou. Tu veux tout, tout de suite. Quand t'es sous je veux pas la baraka Drake, je veux monter un omblet de bien barricadé. Demande à baraka D, le dream c'est la famille, tout le reste est gâté. Petit je voulais tout tout de suite, je voyais les choses en grand, fallait pas que je touche que le smic. Petit, ferme ta bouche, hein. Parler d'argent ici en France c'est tabou, hein. On n'est pas dans le pays d'Obama, si t'as réussi ta vie on te regarde mal. N'essaie pas de débattre ici, les gens parlent mal. Bienvenue à Ries, si t'es bien Panam. Est-ce que je dois profiter de ma life, bien avant que ma vie s'écoule? Dormir, sortir, que faire de ma naïs? Soit je m'isole, soit je deviens fou. Quand t'es sous tes, c'est une course poursuite. Moi je m'épuise. J'suis entouré de bif, de meufs, de débaf. Que faire? Dis-moi que faire? Finir à BKO en Maybach, il faut le faire. Il faut le faire. T'es sorti film, t'as pas le temps. D'autres potos qui t'attendent. Un beau mytho pour madame, ça passe. Elle va mis dans sa t'arrange. Yes. Bouteille et tata, t'es refait. En place avec tous tes refrains. De jolis métis. Que faire? Mes yeux fatiguent, je te sers. Vous connaissez les refrains, fonce dès jusqu'à demain. Tu crois déchirer, être au-dessus des hommes, mais t'es déchiré, tu dors sur le sol. Est-ce que je dois profiter de ma life, bien avant que ma vie s'écoule? Dormir, sortir, que faire de ma naïs? Soit je m'isole, soit je deviens fou. Tu veux tout, tout de suite, quand Cut Killer Show. Cut Killer. Killer Show. Sur Skyrock. 1, 2, 3. Cut Killer Show. Sur Skyrock. Killer Show sur Skyrock. Passe le réveillon avec un spécial mix de Cut Killer sur Skyrock Radio. looking at your last text. Damn, did you even really mean it? Did you even look through it? Did you even read it? What? I've been breaking up with girls since I was 15. It's the only thing that hasn't got easier. Whoa. A rubber is the only thing that ever came between us. Goddamn, now look at everything in between us. I mean, I'm saying I got more liquor, more ladies, more drugs and no cases, with jobs and no babies. I hope no phone's taping. If so, you gon' hate me. When you see me standing on the couches, turning clubs into houses, water to champagne fountains, turn flat chests into mountains. And ooh, I love that ass, but I hate that fucking outfit. I'm taking off her blouses while she taking off my trousers. That's just a couple more problems to add to the couple's counseling. Oh, now open that shit wide, let me see how big your mouth is. Bientôt minuit, dans quelques secondes, on sera en 2015. Prêt pour le compte à rebours ? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ça y est, on est en 2015. Happy New Year. Skyrock. Bonne année à tous sur Skyrock. Bonjour à tous, c'est Pierre Bélanger, le boss de Skyrock. Alors là, vous allez entendre les vœux. J'espère que tous les vœux qui vont vous être faits vont se réaliser. Mon seul vœu, c'est que les vœux des autres se réalisent. Super 2015, super Skyrock. Bonne année à tous. C'est Laurent Bouneau. Je représente tous ceux que vous n'entendez pas, qui travaillent dans les bureaux et qui ne sont pas derrière le micro. Voilà, on vous souhaite tous une très bonne année 2015, l'année où tout est possible. Yes! Bonjour l'équipe du morning. Bonjour Diffoul. Bonjour. Et bonne année 2015 à vous tous et vous toutes qui vous réveillez avec nous tous les matins. Bonne année à toutes. Bonne année. Salut, c'est Fred. Je vous souhaite une très belle année 2015 avec plein de sons dans les oreilles, du bonheur et surtout la santé. Salut, c'est Mehdi des Dédicaces. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2015. Santé, bonheur, respect et puis plein de dédits tous les jours entre midi et 16h. Hello tout le monde, c'est Aymeric. Et bien bonne année à tous. Le meilleur pour vous. Une nouvelle année de bons sons sur Skyrock 2015, let's go! Hello, c'est Prisca, je vous souhaite à tous une très très bonne année 2015. Le meilleur pour vous, big up! Salut, c'est Vincent, je vous souhaite à tous une bonne année 2015 avec Skyrock. Salut, c'est Maxime, bonne année 2015 avec Skyrock. C'est Stéphane et bonne année 2015 à tous. Salut, c'est Momo de la Radio Lille, je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année. Bonjour, c'est Pamela de la Radio Libre. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2015. Gros bisous. Et bonne année, la Marie. Bonne année, merci à vous tous. Ben, plein de bonheur, je vous souhaite juste. Et bonne année, Samy. Les gars, bonne année, tout le monde, que du bon. Et l'OM champion. Et bonne année aux comiques de l'équipe Karim, du Karim Comedy Club. Et bonne année à vous tous, bonne santé. Je vous souhaite plein de bonnes choses et plein de bonnes blagues pour 2015. Salut, mes amours, c'est Romano, le prince du hip-hop. Très bonne année 2015 et plein de victoires au clash, bisous. Salut Cariole, comment tu t'appelles ? Eh ben c'est moi, Cariole. Ah c'est Cariole. Cariole du morning, je vous souhaite à tous une bonne année, une bonne et heureuse année 2015. Salut à tous, c'est Karim au bout du morning de Diffoul, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne année 2015. Salut, c'est Cédric, eh ben 2015 c'est parti, je vous souhaite plein plein de bonnes choses à vous tous et à vous toutes. Je vous aime très très fort et rendez-vous tous les matins et tous les soirs avec toute l'équipe. Et attention, flash spécial 2015 tout de suite sur Skyrock, Steph des infos, salut Steph. Salut à tous, bonne année. Oh, comme c'est mignon. Oui. Salut, c'est Diffoul. On vous souhaite une super année 2015 avec Skyrock, bien sûr. Bonne année. Space. Wouldn't that be weird? storm is the early grown flow. Slicker than MJ, early curl. I gotta clip these niggas like early storm. I seen him in the club, he could get the cub. I ain't talking about baseball, but go get the glove. Don't be like OJ and forget your glove. I'm trying to get faded, nigga, go and get the drug. 5 plus 5, what they call that? Out in Japan, we be counting that. Ladies, who you trying to get it popping with? No little boys in the circle of Usher. Got him under pressure. When your girl come through, Nicki gon' crush her. And tell your man play the back like a spine. He only lasts 6 seconds like a bomb. Cut Killer platine. Boy used to live in Detroit. Bitch, so full of money, he was getting some coins. Was the shootouts with the Lord, but he lived in a palace. Boy bought me Alex and the McQueen, he was keeping me stylish. Now that's real, real, real. Gun in my purse, bitch, I came just to kill. Who wanna go first? I had him pushing daffodils. I'm high as hell, I only took a half a pill. I'm on some dumb shit. Ce son est une dédicace à Madame Pavoshko. Vous vous souvenez? Monsieur Diallo. Ah oui, Madame Pavoshko, non, je suis pas en prison à l'hosto. Non, je fais des hits, Madame Pavoshko. Et vos gosses me kiffent, Madame Pavoshko. Oui, oui, oui, oui, Madame Pavoshko. J'ai toujours autant d'inspi, Madame Pavoshko. C'est pour mes garçons, oui, Madame Pavoshko. Si vous voulez, on se tweet, Madame Pavoshko. Et ça fait solo, tête sous l'eau. Je me suis dit, c'est le moment, mais le fire. Le petit Renoir qui grattait des couplets de barge. Fuck le délégué, dites-moi où est le mic. On dirait qu'en ma poker, wesh, d'où M-Snipe. Ma vie, les cours, oui, oui, oui, oui, je m'en bats. Les c***, oui, je sais, c'est dommage. Du coup, vos surveillants sont contre moi. Moi, moi, ah. Allez, Madame Avrochko, non, je suis pas en prison à l'hosto. Non, je fais des hits, Madame Avrochko. Et vos gosses me kiffent, Madame Avrochko. Oui, oui, oui, oui, Madame Avrochko. J'ai toujours autant d'inspi, Madame Avrochko. C'est pour mes gars, sous oui, Madame Avrochko. Si vous voulez, on se tweet, Madame Avrochko. Oui, qui savent comment faire la fête, qu'elles soient mères ou célibataires. Où sont les hommes, les guerres? Club Killer Show. Killer Show. Sur Skyrock. Can you please remind me? Fall so hard, this shit crazy. I don't know that don't shit phase. And as we go, 0 for 82, I'm gonna look at you like shit, shit, hey, hey. Fall so hard, this shit weird. We ain't even pro be here. Fall so hard since we here. Don't

Romeo de Grèce. Sexy no blood clots, trip for me slow. Wine up your hip, ride the dick for me saw. Pretty funny cocky pose, double six domino. Can you know fi bubble funny, sit funny now. Quint up your pussy muscle grip for me now. Your body pretty like a Hispanic car. Do this for me now, go go twist funny Paul. Take your time funny cocky darling. See the funny no girl, you cocky tough in her bed. See the funny, see the funny, see the funny cocky. See the funny, see the funny, see the funny cocky. Your body not dead like don't a mad girl sit down. When the jockey the inner this a girl girl sit down. Sit out like sand a little gravel. Although you're pretty you're no time for your muggle. So sit down, dash down your weight pon the chair. If you trap on the ground skin scrape you no care. Sit down, all when the ride get tough. Bad girl me why you me like them rough. Just take your time pon the cocky darling. Sit down pon the no girl the cocky tough in her bed. Sit down pon the, sit down pon the, sit down pon the cocky. Sit down pon the, sit down pon the, sit down pon the cocky. Avec un spécial mix de Cut Killer sur Skyrock. Cut Killer qui prend le contrôle de ton réveillon sur Skyrock. Killer. Killer Show. Skyrock. Skyrock. Fête 2015, c'est Cut Killer qui prend le contrôle de ton réveillon sur Skyrock. Cut Killer Show sur Skyrock. Avec toi et un spécial mix de Cut Killer sur Skyrock. Cut Killer qui prend le contrôle de ton réveillon sur Skyrock. Le réveillon avec un spécial mix de Cut Killer sur Skyrock. Take that, rewind the back.

they felt me, and I love myself. The world is a ghetto because it can't get by. I love myself, but it can do what it want whenever they want. I don't mind. I love myself. You said I gotta get up, like you want to suicide. I love myself. One day at a time, sun gon' shine. Everybody looking at you crazy. Crazy. What you gonna do? What you gonna do? Lift up your head and keep moving. Keep moving. Don't let the paranoia haunt you. Aren't you? Peace to fashion police. I wear my heart on my sleeve. Let the runway start. You know the man's about to love company. What do you want from me and my scars? Everybody lack confidence. Everybody lack confidence. How many times my potential was anonymous? How many times the city making me promises? So I promise this. I love myself. The world is a ghetto because it can't keep mine. I love myself. But it can do what it want whenever it want. I don't mind. I love myself. And a bomb in the street, and a gun in the hood, and a mob of police, and a rock on the corner, and a line full of fiend, and a bottle full of lean, and a motto on a scheme, yeah. These days of frustration, keep y'all on tuck in rotation. I duck these cold faces, post up, he five, four, four faces. Dreams are reality's peace. Blow steam in the face of the beast. The sky can fall down, the wind can cry now. The strong in me, I still smile. I love myself. The world is a ghetto because it can't get by. I love myself. But it can do what it want whenever it want. Myself. He said I gotta get up, like he wants to suicide. I love myself. One day at a time, sun gon' shine. Walk my bare feet, walk my bare feet. Down, down, valley deep, down, down, valley deep. I love myself. 5, 4, 4 feet, 5, 4. I love myself. My heart undone, my heart undone. I love myself. The world is a ghetto. C'est Cut Killer qui prend le contrôle de ton réveillon sur Skyrock. Tu fais ça, tu m'échappes, tu sais où me trouver. Je suis qu'un tech, ouais. Même si t'as le pare-bas, je vais quand même te trouver. D'où je viens, tu connais, je n'ai rien à prouver. De love. T'as le permis de poker, j'ai le permis de tuer. C'est la guerre, frérot, j'ai ce que je vaux. Ils veulent me tirer dans le dos, tous avec le par l'ego. La crème est venue tout rafler, t'es qu'un rigolo. Pas de cadeau, fin de négo. J'ai grandi dans les internets, ta mère si tu penses nous la faire. Tu sais que rien n'est offert. Tu vas goûter le famas, il est mort, allons traquer nos verres. Lunettes sur le nez, l'album il sort en été. Leur Jamel, ils m'ont coûté leur mère, elle a ressort pour un vrai commuté. J'ai des couilles, des grosses cases, des gros billets. Jamais dévié, jamais comme moi en cité, y'en a des milliers. Je suis qu'un tech, ouais. Tu fais ça, tu m'échappes, tu sais où me trouver. Je suis qu'un tech, ouais. Comme si t'allais par bas, je vais quand même te trouver. D'où je viens, tu connais, je n'ai rien à prouver. De love. T'as le permis de poker, j'ai le permis de tuer. Je veux faire le tour de la terre. Refrain ici, c'est l'enfer. Je suis dans ma cité, personne n'a quitté. Dormir en tôle depuis 16 ans vacciné. Devant la porte, un gamos. Dans mon équipe, y'a jamais de chivatos. Il faut des lovés, demain je vais crever. Suffit de 5 chiffres pour qu'on vienne te lever, mon gros. Y'a des meurs. Pour te fumer ou te prendre ton genre art. Pour la bagarre, j'appelle Babou le barbare. Je vais ronfler jusqu'à demain soir. Frérot, je veux ma paye. La même que Robin sur mon père. Qu'ils aiment trop la vie pour devoir la perdre. Je suis qu'un tech, ouais. Tu fais ça, tu m'échappes, tu sais où me trouver. Je suis qu'un tech, ouais. Même si t'as le parfum, je vais quand même te trouver. D'où je viens, je te mets, je n'ai rien à prouver. De love. T'as le permis de poker,